dans chez moi, car il est comme moi, et manquer pour Dieu, pour ça toujours, toujours dirai. Pas fais-moi la peine, non, pas fais-moi la peine, non, Clément, pas fais-moi la peine, non, pas fais-moi la peine, non, pas fais-moi la peine, non, Clément, pas fais-moi la peine, non, Si jamais ça arrivait. Passé, fait que femme ou